billets de banane qui t'apprennent au basket. Je programme ma calculette. Wow, oh, oh, oh. Je suis une mauviette de banane, tel bec les majorettes. Je me claque au concours des fléchettes. Wow, oh, oh, oh. J'aime pas les athlètes, ils m'appellent Cathy ou grosse tête. Ok, je suis une mauviette, mais c'est moi qui coupe tes affaires. Et aussi je fais tes devoirs. Je suis une mauviette, je roule un vélo, t'as une corvette, je collectionne les coléoptères. Oh, oh, oh, oh. Je suis une mauviette, signe un bac, casse pas la tête, ramène-moi les souvenirs de guerre. Oh, oh, oh, oh. J'ai un des colliers d'oreilles, le scalp de mec, des dents à nord de vieille, raconte-le un peu.